Il lui suffit de l'île pour qu'elle soit princesse des rêves de Cap Horn. Une porte qu'on ouvre, un marché sur la route, et des fleurs indociles à force d'être libre. Un café que l'on boit en souriant des yeux. Tout un temps suspendu à s'inventer le beau. Il suffit de ses bras et de l'île, là-bas, que je me trouve beau. Marcher. Quand tout semble en danger jusqu'à faire chemin, savoir au fond de soi combien c'est important, comme un défi à tout, comme on y trouve paix et le désir de soi. Un plaisir, une envie, je ne le croyais pas. Aller vite plus loin tant que faire se peut. Marcher, allonger chaque pas et regarder là-bas et regarder demain. Tromper le temps et les mots, ajourer les sous-bois de quelques luminances, insurrection des pieds, juste penser quelqu'un. Marcher. Tu vois, dans un soir comme ça, où tout se grisaille, où la bruine molle retarde encore l'envie d'été, que le temps lourd du quotidien s'enroule en ordinaire, juste une envie folle et douce de bras serrés, de corps frôlés, dans le pourtour d'un âtre, un rêve d'un autre foie à soupe, d'un feu où l'on étend les mains, quand le sourire revient juste au-dessus des braises. Demain matin, prendre chemin. En goutte, tout au bas du ciel noir, transparente, limpide, à recueillir en main, venue de nulle part. Comme on s'en va chercher, et en dépit de tout, des mots d'amour perchés. Étincelle de vent quand tout s'est peint en gris. Trouver du beau, en faire doux, onguant. Quand tout ici se fait inquiet, dedans, dehors, en faire fi pour se lover au fond de soi, où est ce cœur qui fait question. Dire je t'aime sous les gouttes. Je te donne mes mains pour caresser et faire. Je te donne mes mots pour embellir et taire. Je te donne mes jours pour en savoir mieux faire. Je te donne ce que je suis, ce que je sais, pour effleurer ton sein, écouter tes silences, aller jusqu'à demain, ou ne pas si c'est trop. Enfant, je venais là et je trouvais le rêve. Papa parlait à la criée, à des marins usés par les heures de pêche. Il se penchait parfois beaucoup trop près du bord et je le retenais. Ce monde de la mer, des départs, des retours, me laissait dans la tête comme une envie de fuir. Je n'apprendrai la mer que des années plus tard. Un jour, plus que jamais, ce soir, ici, je bouclerai la boucle. Je me ferai ma taf et j'irai vers le large, je t'y appellerai. Et je cherchais ma route, la main froide, un peu vide. La nuit avait laissé quelques pages tournées et l'envie juste forte de respirer du fond. Il y avait du vent et le chemin montait. Le matin m'appelait à faire du sous-bois, des fougères humides, des murmures de branches. J'avais enfin le temps d'aller te rechercher. À l'est, c'était une évidence, un soleil apostrophe se décrochait de l'aube et soufflait les nuages. Tout le jour serait bleu avec une fleur jaune. Je viens vers vous les mains ouvertes. Mes yeux sont vides de tout jeu. Je ne veux rien que l'essentiel. Je laisse aux autres l'apparence, les jeux de mots, les mises en scène. J'en sais les codes et l'illusion. Toucher le corps sans avoir l'âme n'est qu'un moment qui tue le temps où l'on rejoue la même pièce. Je veux aller à vos victoires, passer un doigt sur vos blessures, que votre moi s'entr'ouvre au mien, aller au vrai de la rencontre. Ma vie n'est plus un grand théâtre, mon seul rideau ouvre à la mer.